de Marceline Desbords de Valmore, le dimanche des rameaux. Jour cher aux pèlerins qui demandent sa voix, dont l'aube à tout calvaire allume un peu de joie. Beau jour où les enfants des rameaux dans leurs mains se promènent bénis entre tous les humains, affairés et contents de parcourir les rues, rapportant au foyer leurs richesses accrues. Ce jour-là, je cherchais aussi le rameau vert pour appuyer mon sort tout penché de l'hiver. J'avançais, je marchais de tristesse éblouie, tantôt sous le soleil et tantôt sous la pluie, attiré à l'éclat des cierges allumés qui prêtent tant de grâce à nos rites aimés. De sonores enfants, les stalles étaient pleines, qui roulaient dans la nef d'innocentes haleines. Et Dieu seul entendit une plus humble voix qui chantait dans la foule et pleurait à la fois. Par le vent de l'exil de partout balayé, vraiment je ne sais plus où je suis envoyé. Oh, les arbres du moins ont du temps pour fleurir, pour répandre leurs fruits, pour monter, pour mourir. Moi, je n'ai pas le temps. Ma tâche est trop pressée. Dieu, laissez-moi goûter la halte commencée. Dieu, laissez-moi m'asseoir à l'ombre du chemin, mes enfants à mes pieds et mon front dans ma main. Je ne peux plus marcher. Je viens. J'ai vu. Je tombe. Je n'ai pris qu'une fleur là-haut sur une tombe, des chapelets bénis pour ceux que nous aimons, et j'ai blessé mes pieds aux cailloux des grands monts. Dieu, si je suis l'oiseau rasant la terre et l'onde, laissez-moi de mon fils presser la tête blonde. Mon fils, grandis sans moi, qui l'ai fait tout amour, sans moi, qui lui donnais tant d'âme avec le jour. Dieu des faibles, mon Dieu, si je suis votre fille, relevez mon passé dans ma jeune famille. À mes tendres terreurs ne donnez pas raison. Laissez-nous dans un port contempler l'horizon. Dans ma précoce nuit, allumez une aurore. Défendez au chemin de m'emmener encore. Marquez de votre doigt une place pour nous et ralliez le père aux enfants à genoux. L'orgue se tut. L'église éteignit sa lumière, ma pensée en mon sein retomba prisonnière, mais je ne sais quel charme, en coulant à mon cœur, l'inonda de l'espoir qui brûlait dans le cœur. Un vieillard me donna, tout ruisselant d'eau sainte, l'un des mille rameaux dont verdoyait l'enceinte, et riche de ce buis qui riait dans ma main, du monde et de l'hiver, je repris le chemin. On eût dit qu'avec moi cheminait une amie, la foi tout éveillée et toute raffermie. Pendant que ces lueurs sillonnaient ma raison, j'entendis devant moi s'ouvrir une maison. Puis le maître apparut qui, me voyant plus pâle et de mon front plus triste, interrogeant le hall, me demanda mon sort et s'il ne pouvait pas, comme en des temps meilleurs, guider encore mes pas. Si je partais toujours, si la belle patrie ne m'aimait pas enfin de l'avoir tant chérie, si l'ange du voyage avait quitté mon seuil, et si pour moi la vie avait un doux accueil. Ému à cette voix qui plaint et qui protège, j'écoutais ce pouvoir sans faste et sans cortège. Mais la foule survint, la foule me fait peur. Elle cherchait sa gloire, et j'écoutais son cœur. Cédant au flot croissant, la grille entrefermée, j'ai consacré d'un vœu cette demeure aimée. Et par-dessus les murs où rentrait l'amitié de mon rameau béni, j'ai jeté la moitié. Lu par Christiane Johan pour audiocité.net.